un symposium sur des réalisations obtenues dans les recherches de l'histoire du Goguryeo et du ballet a eu lieu le 30 novembre à l'Académie des sciences sociales à Pyongyang. Y ont pris part des cadres intéressés, des chercheurs, enseignants et conférenciers des domaines de la science, de l'enseignement, de la presse écrite et parlée et de la protection du patrimoine national. Les orateurs ont publié des dissertations argumentant des réalisations obtenues dans les recherches de l'histoire du Goguryeo, puissance millénaire de l'Orient, représentant l'orthodoxie de l'histoire de notre nation et de l'histoire du ballet, son successeur, en se tenant haut les recommandations des grands leaders et la politique de protection du patrimoine national du parti. Ces derniers temps, on a fouillé nouvellement plus de 260 tombeaux et 65 châteaux de l'époque du Goguryeo et du ballet, et les a témoignés de façon scientifique pour assurer des données matérielles expliquant plus profondément l'histoire du Goguryeo et du ballet.